c'est qui? La mère de Saint, elle dit, bien sûr, le Biallah ou non. Le prophète, il est là, attention. Il s'est arrêté, il est sorti. Une fois, deux fois, trois fois, ça s'est passé comme ça l'événement. Au bout de la troisième fois, Ar-Rasulullah, qu'est-ce qu'il a dit? Wayhaha. La tarakitu, la bayen, ay amruhu, wa huwa yajal amla. Si par exemple la mère elle avait rien dit à ce moment-là, on aurait su, la tabayen al-amr, ah huwa yajal amla, est-ce que c'est lui le bayen ou non? Le prophète Ali Salatou Salam, il est venu le voir, et à cette époque-là, lui, il avait 13-14 ans, ce jeune. Pape, il avait quoi, 13-14 ans. Et en même temps, Kahin, c'est un magicien. Un magicien, c'est un devin. Il travaille la sorcellerie. Sahar, en même temps. Qala lahu Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. A-t-il voulu amir Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu as fait ce que je suis le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Quand un Nabi est au milieu, tu ne voulais pas que les prophètes soient des illettrés. Là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, est-ce que tu as fait que je suis le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Omar ibn Khattab, il était avec eux. C'est le dernier, Rasulallah, Aqta, Raqaba. Laisse-moi, je vais couper ta tête. Direct, Omar ibn Khattab. Faqala lahu Rasulallah, qu'est-ce qu'il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Ya Omar, ya Omar, il n'y a que vous. Si c'est lui, le Messie de Djal, Salam tu sallat alayhi, c'est pas toi qui devras tuer. Si c'est vraiment lui, le Messie de Djal, c'est pas toi qui devras tuer. Mais il n'y a que lui, et si ce n'est pas lui, Salah khayra rakafihi, c'est qu'à lui. Il n'y a pas de besoin dans le fait de le tuer. Pourquoi? Parce que Yahoud, c'est l'examen, c'est le Messie de Dima. Il y avait encore quelques prophètes à l'Essalat et Salam. Ils n'avaient pas le droit de le combattre. Alors il n'y a pas de bien. Tu vas tuer quelqu'un qui a un pas, tu ne peux pas le tuer. Il n'y a pas de bien dans cette tuerie que tu... Tu n'as pas de ça, je ne sais pas de ça. Voilà, donc qu'est-ce qu'il lui a dit? Le prophète, alayhi salatu salam, il lui a dit « Khabat tu n'as qu'à... » Tu dis, je peux cacher quelque chose? Dis-moi, c'est quoi? Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on vous a dit? Vous avez dit que « Hada, le Dieu me l'a dit. » C'est un devin, c'est un magicien, il lui a dit, il a essayé de chercher dans sa tête, il a cherché comme ça, c'est quoi ce prophète, il a regardé le prophète dans sa tête, et comme le magicien il travaille avec les chayatines, avec les djinns, il a essayé de voir que le prophète a essayé de faire le avait caché. Et il se relève à la ça s'est mélangé dans sa tête, il a pensé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dur, dur. Qu'est-ce qu'il a dit? Dur, dur. Et effectivement, le prophète a essayé de faire le il lui a caché certains versets de surat al-Dukhan. Mais quand il s'est mélangé dans sa tête, il n'a pas su répondre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas su répondre, dire Dohan Dohan. Mais effectivement, tout ce qui lui a répondu le prophète de Salam, dire ça, Salam Ta'alwa Qadrak. Il a dit que c'est un terme qui veut dire ici qu'effectivement, c'est un magicien, c'est un sahar, que ta renommée ne sera. N'est pas d'ampleur, quoi. Que tu ne sois pas quelqu'un de promu ou quelqu'un de grand, quoi. De tes âges, tu resteras toujours petit. Toujours quelqu'un de. Ça y est, Ibn Sadiad Hada. Après, il a grandi vers 20 ans, 21 ans, c'est pas mentionné dans le hadith, mais quand il était en âge mûr, il a grandi, il est rentré dans l'islam. Fin de l'islam. Avec une date, il y a un kahinati. Il est resté un magicien. Il est devenu musulman, mais toujours un magicien, hein, quelqu'un de Sahar qui travaille avec le djinn et Shayatin. Un jour qu'il est parti faire un Hajj, et dans une version de Umrah avec Abu Sa'id al-Khudri, en revenant, il dit Ya Abu Khudri, Ya Abu Sa'id al-Aqsam. Il m'a mis au dos l'année. Il dit que le peuple, la légion, ils me font du mal, ils me font du tort. Alors, qu'est-ce que ça? Pourquoi ils te font du tort? Yakulun, il dit que c'est mal le Dajjal. Il dit un peu de gel, il me prend du tort. Le hadith, il est rapporté, c'est musulman. Je trouve ça intelligent. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, il y a des Sa'id. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a dit que, là, il trouve Makka ou Madina. Ou il a d'accord de Makka. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a dit qu'un tel gel, il rentrera pas Makka. Moi, je suis rentré à Makka. Et j'en suis ressorti. Il dit que, quand même, il trouve Madina. il ne rentrera pas à Medina. Et moi là, je retourne à Medina. Bien, je suis venu. Abu Sa'id, il a entendu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la yuladu lahu walad. Rasoul sallam, il a dit, la yuladu lahu walad, il n'aura pas d'enfant. Mais c'est un jeune, il sera quelqu'un de stérile. Quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant. Il a dit, mais moi j'ai un enfant. Et son enfant de Marouat al-Hadith. Le fils d'Ibn Sayyad, mais Marouat al-Hadith, c'est un rapporteur de Hadith. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, moi j'ai un enfant. Il lui a dit, النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه انه كافر وانا مسلم مش مسلم quand il a entendu ça Abu Sa'd al-Khudri effectivement il s'est un petit peu raffermi il a eu un petit peu de rahma dans son cœur ثم قال après Abu Sa'd al-Khudri il a Ibn Sa'd il a parlé il a dit اما والله mais je te jure quand même une chose إني لا أعرفه في الكون المسيح الدجال لما سمى جسد لما غير محشيات الجنوب وأعرف مولده وأين هو الآن je sais où il est, je sais qui il est et dans quel endroit il se trouve actuellement ولو خيرت أن أكون هو أنا لا ملح et si il avait le choix d'être lui le Messie Hadjal ça n'aurait pas gêné فقال لو تب لك السائر اليوم ما لو غصتك لا جغلي يكون يتبع أبو سعيد الخضر يوتخو جاكسيون كي كنتني كي ديك وقال محمد بن المنكرر قال رأيت جابر جيب جابر رضي الله عنه يحلف بالله يلجوع بظن الدقسة يأثم بالله كيف يدوك أن الصياد هو الدجال يديك أبو سعيد هو الدجال يغلى فيها فقلت أتحلف بالله تجو قال الله قال إني سمعت عمر يقسم على ذلك أي عن ابن سياد عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم كيف الذي يجي جذو عمر بن الخطاب جابر يجي جذو عمر بن الخطاب الجوع يجي في السيد الجاني بن الخطاب عليه الصلاة والسلام إن فا رجته إن فا دين واسطة لي ولكن إن تتبع الجوع فكما مدن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر C'est normal, il y avait pas de la révélation n'était pas encore arrivée. Pour faire, il faut faire. On fait le but maintenant. On continue plus loin. Jusqu'à ce moment-là, ils ont su que c'était. Ils ont cru que c'était lui. Il y a eu aussi une histoire avec Ibn Sayyad. C'est Ibn Sayyad. Une fois, il était dans le marché, et Abdallah ibn Omar, il s'est énervé contre lui, il l'a frappé. Et lui, comme c'est un magicien, il a illusionné les yeux d'Abdallah ibn Omar et tout ce qui était autour de lui. Il s'est gonflé un deck. Je vous le gonfle à quel baron. Il s'est gonflé. Ou Omar a fait ça. C'est tout l'endroit où il se trouvait. Il l'a rempli comme ça, il s'est gonflé. Quand il a rapporté cette histoire à Hafsa, à sa soeur, Rabbi Omar, elle a eu peur. Elle a eu peur, il a dit tu n'as pas entendu ce que le prophète alayhi salatu wasalam a dit et cet événement-là il s'est passé après la mort du prophète alayhi salatu wasalam. Il lui dit tu n'as pas entendu le prophète alayhi salatu wasalam qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit inna dajjala yakhruj min ghadbatin yaghdabuha. Il a dit tu n'as pas entendu que le prophète alayhi salatu wasalam il a dit que le messie dajjal sortira dans une colère sourde. Il se mettra en colère à son oreille sortira. Tu n'as pas entendu ce hadith là? Donc il avait peur. Il avait peur. Sahaba. Il avait peur. Alors c'est pas que la peur qu'on doit avoir. Si vous avez peur, c'est quoi? C'est la grande peur qu'on doit avoir. Pourquoi ils avaient peur? Parce que, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ليس الخبر كالمعاينة. ليس الخبر كالمعاينة. Quelqu'un qui voit de ses propres yeux quelque chose, un événement qui s'est produit. C'est pas comme quelqu'un qu'on lui raconte. Moi, si maintenant je viens te dire, regarde ce qui s'est passé à tel endroit, j'ai vu de mes propres yeux, ça, et je vais te décrire. Je vais te décrire la peur que j'ai eue, la joie que j'ai eue. C'est pas comme quelqu'un qui se lui décrit ce qu'il a vu. Et il va dire oui, c'est normal. Ah oui, voilà, ça plus. Mais là, c'est le khabar qu'elle me haïra. Et ils ont vu la description que le prophète alayhi salatu wasalam il a donnée. Ils ont vu. Ils ont cru que c'était lui. Mais là, même le tuyau, là, le. Maghrib ibn Zayd ibn Kamil, un chauffeur. Mais là, ça y est, ibn Zayd ibn Kamil, le tuyau. À partir de quel moment À un certain moment, c'est ce que j'ai dit ici. J'ai dit que. Ce que j'ai oublié de mentionner dans le hadith. Vous voyez le hadith de la Jassasa. Ce hadith-là de la Jassasa, c'est quoi? La gardienne. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il a mentionné un hadith où Al-Ilm Kassidi, ils disent concernant ce hadith-là qu'effectivement, Ibn Sayyad, c'est pas lui le Messie Dajjal. Parce que si c'était lui le Messie Dajjal, comment il peut être à cet endroit-là en même temps à cet endroit-là? Donc c'est pas lui le Messie Dajjal. Il dit que Hada, Dajjal, il est Dajjal. C'est un enfer, un kebab, un sahar parmi les kebabim et les Dajjal-là qui doivent passer. Mais Dajjal al-Akbar, celui qui doit venir, Dajjal al-Akbar, il est mentionné dans un hadith. Le hadith, mais il ne va pas lire tout le hadith, il va partir, on va dire simplement le hadith, le passage qui nous intéresse. Ici, il dit que selon la qadar, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, salatahu, jalasa ala al-minbar wa huwa yadhhak. Après la prière s'est terminée, il s'est assis sur le minbar, wa yadhhak. Faqala, liyulzim kullu insanin musallah. Que chacun doit s'asseoir à sa place. Et écouter attentivement. Thumma qala, atadruna lima, atadruna لما جمعتكم بسبب خجل زغيني قال الله ورسوله أعلم الله صفتات صنبو سبا طيب هذا في ذاك الزمن كان الرسول صفتان حي إذا تجد قال الله ورسوله أعلم أما نحن في ذاك الزمن في الزمن اللي نعيش فيه أخي يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم لا لأن الرسول صفتان ميت ميت في دنيانا هو حي في البرزخ بالضبط عليه ثلاثة وثلاثة إلى معظم الدنيا من اللي ما في البرزخ Donc si quelqu'un te dit ce que tu connais quelque chose, tu diras que Allah wa alam. Ne dis Allah wa rasuluhu alam. Allah wa alam taqaf. Qala inni wallahi ma jama'tikum li rahbatin wa la rahbatin. Je ne vous ai pas appelé, je ne vous ai pas réuni pour que je vais vous faire peur, ou je vais vous encourager, ou je vais vous inciter à faire le bien. C'est simplement pour vous raconter un événement. Voilà que jama'tikum li anna tamim al-dari kana rajul nasrani. Tamim al-dari kana nasrani min qabl. C'était un chrétien à cette époque-là. بعد ذلك أسلم فجاء تبايع وأسلم إلى ذلك إلى كل فرد الرجال في غرفة الإسلام وحدثني حديث الوافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال إلى ما فعلي d'une histoire que c'est exactement ce que je vous disais c'est pour ça que ça m'a fait sourire et je voulais vous faire part de cette histoire حدثني أنه راكب في سفينة بحرية ils ont pris donc ils sont montés en bateau ils sont partis ils ont vogué مع 30 رجلا من لحم وجدان لحم وجدان تسون دي فيل فلاعب بهم الموج شهرا في البحر فبقى موا يسو بوغي او مير ثم ارسلوا الى جزيرة في البحر ارسلوا اي يسجوا يسو ديريجي ان ديريكسيون دون دون دون دون دون دون دون دون دون حتى مغرب الشمس جوسكا وقت المغرب فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيت دابة أهلب أهلب أي مملوعة مملوعة باش كثرة الشعر لأن بات لا يدرك منها من دمورها إن سحتا الأولى تات إن أولى سوليتي إن أولى دبان من دخلها Seulement qu'il a reçu des cheveux, ils ne savent même pas si c'est un animal, si c'est une personne. Ils ont eu peur, c'est normal, c'est dans quelque chose de chaleur, ils ont dit que c'est un animal, ils ont dit que c'est un animal, ils ne savent pas c'est quoi. Là, il dit, il y a un mère, comme nous, nous devons. Nous ne sommes pas plus, c'est char. C'est un salaud. Oui, il a qui m'a dit, ils ont peur, ils ont rien. Non, non, c'est qui toi? Ça a parlé d'un adjustat, moi je suis la gardienne. Alors, un adjustat, c'est quoi la gardienne? قالت يا أيها القوم اعمدوا إلى هذا الرجل اعمدوا أي يعني انطلقوا راحوا دوك دابا غير نحكي عليكم تختي فواغ قربوا قربوا شوية ديروا لاباس بارك الله فيكم قربوا قال اذهبوا إلى هذا الرجل في الدير والدير هو معبد اليهود سي لو تمبل اليهود يزادوغ لوغ سينيور سي سا الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق Il vous attend avec impatience. Il vous attend avec impatience. Quand on nous a parlé de cet homme-là, on a eu peur. Et on s'est éloigné d'elle, on allait voir cet homme-là. Ils ont cru que c'était une shaitana. Donc ils ont eu peur. Ils ont cru que c'était une shaitana. Ils ont cru que c'était une فإذا في أعظم إنسان رأيناه قط خلقا يقول لي كنا جين تخطر ولا جاني جين تقل تغير الناس وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد يتي أنشيني كما يتي أنشيني كم صف لشانيسي لشانيسي sur son cou et le pied. Enchaîné, il ne pouvait pas bouger. Il était enchaîné cet homme-là. Kuna wa ila kana anta. Qui es-tu? Kala qad qadartum ala khabari. Fa'akhbiruni wa ma anta. Il dit, c'est important de savoir qui je suis pour le moment. Dites-moi vous qui vous êtes. Kala nahnu unatun min al-arab. Nous, on fait partie des arabes. Dans une autre version, min ansar al-arab. Parmi les arabes chrétiens, qui n'étaient pas musulmans encore. ركبنا في سفينات البحريتين فدخل البحر حين قلنا فلعب بنا الموت شهرا ici raconte et dit voilà en gros nous nous sommes des arabes chrétiens nous avons pris le bateau nous avons pris la mer et on a volé pendant 100 jours et voilà où nous avons atterri et on est arrivé à toi nous n'avons pas dit nous qui tu es on est arrivé devant la gestapa nous avons dit vous êtes qui on a dit cette bête on s'est touché quand même on est venu rentrer on est rentré maintenant voilà toi t'es qui Il a dit, avant de vous répondre, أخبروني عن نحل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخدم. Le palmier de بيسان. بيسان c'est un endroit du Chem. Au Chem, c'est avec Zaman, c'est la Palestine, la Jordanie, le Liban et la Syrie. Tout ça, c'est le pays du Chem. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur le palmier du Chem là-bas? قال أسألكم عن نخلها هل يقلو؟ أسكو يدن دي فونتا قلنا نعم قال أن إنه يوشك أن لا تثمر أبا جزو أدن غطفتي قال أخبروني عن بحيرة الطبرية ده طغل ما ده بحيرة تتنور ده طبرية جدوا قلنا عن أي شيء أنت تستحضر كثير سبوك شغل قال هل بها ما إسياء إلا دلو قالوا نعم هي كثرة الماء يبقد قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب بيته يغفده فإذا فتشي قال أخبروني عن عين زغر قالوا وعن أي شيء شأنها تستحضر كثير سبب شيء قال هل فيها العين ماء يذهب نعم وهل يزرع أهلها بماء العين أشكر الجاين يتخلص السطلات وغيرها أجريكولتير أكثر قلنا له نعم هي كثرة الماء وأهلها يزرعون من مائها قال أخبروني عن نبي الأميين بدما يسكر بخطة جزيلة خيطة يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خرج من مكة ورد إلى يثرب إلى صحيح مكة وراح إلى أين يثرب يثرب في المدينة قديما كانت تسمى يثرب من ناس المدينة قال أقاتله العرب يسكر الزعاب من قبطي قطر الزعاب هنا المشركون طبعا في التقال مجل المنصر قلنا نعم قال كيف صنع دين في السلسلة فأخبرناه أن قد بعر على ما يليه من العرب وأطاعوه يديك الحمد لله إلى الإخوار يبوك دعاك في نصيبي يكذن لي مهمة أسلمه قال لهم خد كان ذلك يديك سنيوك سنيوك نغوك سنيوك ما يبي قلنا نعم قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه سنيوك نغوك لسي وإني مخبركم عني يديك كنت ما جدي فضي الله كي جسي يديك أنا المسيح وفي النسخة الأصلية أنا المسيح الدجال وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج أيش في كتخبيته في كتخبيته في السماء الصغيرية في ما تحتيه لتخش في جبل لا تحتيه فأسير في الأرض جيغي دان توت لا تير فلا أدع قرية إلا أحدثتها في 40 ليلة غير مكة والطيبة اكسبت مكة Et Taïba. Taïba, c'est encore un autre nom de Medina. Medina, Taïba, Zahri. D'accord ? C'est vraiment mes harra natale, alayya, kilka, huma. Elles me sont interdites. Je ne pourrais pas rentrer Medina, je ne pourrais pas rentrer le sien. Amal Ard al-Baqi, il rentrera partout. Kullama aratu an adkhula wahidatan aw wahidan minha, min huma, istaqbalani malakun bi yadihi sayf. Sauta, à chaque fois que je voudrais rentrer dans le Mekka ou le Medina, il y aura un ange qui va m'accueillir avec son épée. Yusuf Dimini, Yusuf Dimini Anha, إن تغى الولدان وإن على كل نقد منها ملائكة يحرسها. Et à chaque endroit de Mecca de Médina, à chaque porte de Mecca de Médina, il y a des anges qui la préservent. Et je ne pourrais pas rentrer. Inch'Allah, on s'arrêtera ici parce que lorsque le Maghrib est arrivé, Inch'Allah, c'est la prière. Pour ceux qui sont intéressés et qui veulent continuer le bat, on continuera Inch'Allah. Barakallahu fikoum. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من بعد أنت تسمي رضا ونعرفي أبخير ومعرفي الحديث الجفافة من في حديث كان سامنا جابيان من أين يخرج دوبة تقصير بالجل النساء بالجل من أين يخرج؟ يخرج من خرسان أو إصبعان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود أصبعان 70,000 عليهم طوارق تتوى له الأرض طيا حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سير عن سرعته التي يسير بها فقال كالغيث استدبرته الريح. رواه مسلم. يسير في حديث الله للبروفيت عليه الصلاة والسلام يجيب جيل إذا سوصل المكة الدجال خرسان أو إسبهان، لأن هذه هي دوريجون ديرون ويتبعه 70,000 من يهودها، أي يهود إسبهان 70,000 جيوز إسبهان تبعوا المسيح الدجال وكما يكون كونكيرير toute la terre. La vitesse à laquelle il avancera c'est comme le vent, comme le vent. Il avancera très très très rapide. يقيم الدجال بعد ظهوره 40 يوما. كل يوم يبقى il va rester 40 jours après sa sortie. Une fois qu'il est sorti, voilà. كل يوم يبقى rester à errer dans la terre comme ça 40 jours. حال 40 يوم. وهي مدة قليلة ومع ذلك يطوف خلالها الأرض كلها إلا مكة والمدينة. رغم هذا الوقت القصير والقليل يطوف الأرض كلها. Malgré ce temps qui est très peu, c'est 40 jours, c'est quoi? C'est peu en réalité, pour faire toute la terre. Il ne fera entièrement sur Mecca et Medina. Mecca et Medina, vous n'avez pas le Mecca et Medina. Mais nous allons. على أبوابها ملائكة بالسيوف مسلطة. Pourquoi? Parce qu'il y aura, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des gens qui seront à chaque porte de Medina et de Mecca. فبقلت أقاض لتر لكثر من هذا مثل المسجد الحرام المكي ومسجد الحرام المدني يسيب ذلك لتر سيددك ذلك كل ذلك المكي الحرم المكي كل سنطور الانصد درامات كل سنطور الانصد بالمدينة إلى أقالك ذلك في جسد المصير كيف حبيبنا كنت أقول كنت أقاض مدينة لكاس كنت أقول كنت أقول لمسجد مسجد الحرم المكي ومسجد الحرم المدني كيف حبيبنا tout ce qui entoure maintenant, d'où la Médina commence et d'où la Mecca commence, et là il ne pourra pas rentrer. Il a dit au Sallallahu alayhi wa sallam à l'Ukhtihi de l'Ardi, faqal. Donc, dans un autre hadith, pourquoi des fois on ramène des hadiths qui sont semblables? C'est vrai qu'ils se ressemblent, mais il y a des choses qui sont rajoutées selon les versions qui ont été rapportées, selon les questions qui ont été posées. Parce que dans le premier hadith, il s'est fait que tel jour il a été questionné, le prophète alayhi wa sallam, il a répondu comme ça. Une semaine ou 15 jours après, il a été questionné, il a répondu avec ziyada. D'accord? Donc le hadith, là, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à l'Ukhtihi, combien de temps il va rester sur l'Ard? Faqal arba'un yawma. Il va rester 40 jours. Mais qu'est-ce qu'il a précisé ici? Yawmun kessana. Un jour comme une année. ويوم كشهر ينجوه كم أموى ويوم كجمعة ينجوه كم إثمان وصائر أيامه كبقية أيامكم إنه غير كان بجوه كم بجوه فالدقوك الثاني جوه تسخى أمو لدوزين جوه تسخى أموى لدوزين جوه تسخى إثمان إنه غير ستين أخر جوه تسخى من ستين جوه فالدقوك كم يرى ستين وعن ذلك بغسي أمو et plus de 2 mois là, 3 mois là, j'ai pas fait de calcul, mais en gros c'est 1 an et 3 mois peut-être à tourner comme ça. Comme hier à ce moment-là, je trouve la hadith de Sahaba radi Allah anhum, c'est dur. Regardez là ici la réponse de ce que le Sahaba ils ont posé comme question au prophète alayhi salatu wassalam. Regardez l'amour que nos compagnons ils ont vis-à-vis du dîme. les compagnons vont dire, bien sur le c'est quoi le défi de secours, c'est quoi, comment on va faire pour s'enfuir, comment on va faire pour sauver, comment on va faire pour se cacher. Regardez là, il y a le mouvement. Ça, c'est pas important, ça. Ce qui est important, elle est là. Ils ont dit, comme Yéra sallallah, comme Yéra mon Nabi, ou la Kessana, à la fin de la Salat, Yéra mon Wahid, est-ce que ce jour-là, que ce un jour-là, c'est une année de notre compte, comment on va prier? C'est un Wahid Arbi, c'est un Salmou, comment on va prier? L'adoration. Ils ont pensé, comment on va faire pour se réparer? Non, comment on va faire pour adorer Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce jour-là? Si dans 24 heures, on a fait une prière dans une année, comment on va faire cette prière dans une année? فقال صلى الله عليه وسلم لا أقدر له قدرة. فبدي أقول لك كيف كنت أجلس؟ إيش بقى تجلس كل يوم في خمس صلوات؟ وقت الصلاة سوا تصحى جو السوا تكرمي. كم تصلي في الصلاة؟ هذا يصدق يعني فبدي أقول ici le prophète عليه الصلاة والسلام il est conseillé de calculer le temps qu'il y a entre Fajr et Dhuhr. Et entre Dhuhr et l'Asr, entre l'Asr et le Maghrib, le Maghrib et l'Aïcha. Et vous faites la même chose pour le deuxième jour, et la troisième chose pour le troisième jour, et après, Baqiyat al-Ayyam, ça revient normal. Donc on a dit que le deuxième, il va ramener avec lui une fille bien. Il ne va pas venir simplement comme ça. فتنته عظيمة لفتنة المسعد الجلل في فقرة من الوزن عظيمة جدا نبي صغة النوع نبخذها في الدنيا واحد يمثل ولد هذه فتنة واحد مثلا يصاب بمرض هذا فتنة مثلا واحد مثلا فتن كثيرة مثلا فين هو فين بابا ولا فين يما ولا يقوم متعادلين هذه فتنة طالما فتنة كنت كنتابيليزي par exemple quelqu'un il peut être atteint dans sa santé quelqu'un il peut être un de ses enfants à la fin il a repris l'amana et puis il est mort et puis voilà lui vers son fils qui doit l'enterrer ça c'est une fitna, c'est pas facile malgré que l'alhamdoulilah on est des croyants qu'on a la foi mais des fois quand t'es trouvé par une fitna pareille de cette vie elle n'est pas oublié Allah subhanahu wa ta'ala il y en a un idéalou la fitna c'est pas facile. هذا الجسد فتنة عظيمة وإلا يخرج ومعه ماء ونار فما يره الناس ماء فهو نار بحر وما يرونه نار فهو ماء بارد لغاية كنت أخذ دلو كنت أخذ دلو أخذ دلو أخذ دلو أخذ دلو أخذ دلو. Est-ce qu'il aura quelque chose devant lui, en vérité c'est de l'eau fraîche? Même maintenant si le prophète a laissé la personne, il ne nous avait pas dit ça. Même si on s'en est déjà fait aller là. Ou on s'en est fait le mât. On s'en est fait le mât. Quand tu vas voir qu'il y a du feu devant toi, tu vas voir que c'est du feu. Tu vas jeter là. On a de l'eau. En vérité tu rentres dans le feu. Et si tu vois par exemple le feu, c'est le feu, il ne faut pas le dire. En vérité le prophète a laissé la personne, il t'a dit si tu vois le feu, il faut y aller. Parce qu'en vérité c'est l'eau. C'est le contraire. وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدركه فليشرب من النهر الذي يبله نارا فإنه ماء عذب بارد رواه مسلم. C'est une fraîche, une douce. Et tu vois ce feu là devant toi. Et quand tu dis que c'est toi, il a fait tout le monde à l'image. Tu vas voir des grandes flammes, juste devant toi. Et l'eau, ça va être la même chose. Il y a l'eau de voir des hommes. سيدعوهم إلى الإيمان بأن يردهم فيؤمنون به إذا أخذنا في فصل دعوة إذا نفسه بإذا أخذنا في فصل دعوة فإن يغنى يغرب إذا هم خيبا جميعين تعربنا يؤمنون به فقوى يقول السماء أنت ليس تنظر إذا جاء أرشان فتل زاري نسلي بس الزار إذا جاء من الأرض أن بيتي نباتتي إذا لا تنظر لك ما تصحش في السيسلوح في السيسلوح في السيسلوح في السيسلوح. Il va voir une personne, il va lui dire si je te fais redire tes parents à ton père et ta mère, tu crois que je suis moi ton seigneur? Ah oui, il va faire sortir le père et la mère. Non, mais c'est ma chine, elle vient comme le corps. قبل الشياطين تذكروا يخدم على الشياطين قبل الشياطين بدونه كيف صار لك عاجي تغير لنور الشياطين يبون تغير تتخل هي اللي ستكون بيه فتاقوا لي يؤمن بيه إذا تحكي غلط تخط كل واحد يشوف كفر أهمية لا تكانت غفتي كما هو كفر كل ما تكون إلى فعل الإيمان سيمر الدجال بالقوم فيدعوهم إلى الإيمان بأن ربهم فيؤمنون به فينادي على السماء الزغا وشال أمطري فتنتو فتل زغلت لا ينادي على الأرض فاخرجي نباتك فتخرج نباتها لشخص غفت الصيس لجين سفل اختزار اختزار فتعود ساحرة القوم أشبع ما كانت وقل ضروعا وأثمن ما تكون يا لغة أثم ملا les gens se ressentent, il y aura de la nourriture, il y aura tout ce qu'il faut. Les gens sont contents. C'est normal à une époque. Parce qu'on n'a pas mentionné un hadith qu'on va mentionner après, il vient après. Avant la sortie du Dajjal, on verra que pendant durant 3 ans, les 3 dernières années avant que le Messie arrive à l'histoire, on verra que la première année, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donnera au ciel de ne voir qu'un tiers de pluie. On dira. C'est-à-dire quoi? La pluie, il retiendra de la pluie un tiers. Et il retiendra de la terre, c'est-à-dire tout ce qu'il va sortir de la terre, un tiers. La deuxième année, on va le voir après dans les hadiths, la deuxième année, il va retenir deux tiers de la pluie et deux tiers des végétations et des fruits et des légumes. Donc la deuxième année, qu'est-ce qu'il va pleuvoir? Il va pleuvoir un tiers. Et il sortira de la terre un tiers. Et la troisième année, il n'y aura pas de pluie, ça sera la sécheresse, il n'y aura rien du tout qui va pousser. À ce moment-là, les gens, ils brûlent. Alors là, les gens, ils ont faim. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir manger? Ils n'ont rien pouvoir manger. C'est pour ça que quand tu viendras, mais c'est qu'ils diront à la pluie, faites-le voir et fais sortir la terre. Les gens diront, ah, c'est lui notre Seigneur, c'est lui notre Seigneur. La vie, comment les hadiths, ils se relient les uns des autres? C'est les hadiths. Ici, il te dit, il n'a pas de la courage de Dieu, ça l'a fait à la voix, chez God. يصيب الناس فيها جوع شديد فانت قدرت تخف غمو تخف خذير مالكني كي لكني يبغى لقمي غني لدي زماني تخف خذير إلى جوي زغوثان يأمر الله السماء في السنة الأولى إذا أعطينها الله سبحانه وتعالى ذات كل سيال لقمي غني وسيال أن تحدث ثلاث مطرها ويأمر الأرض فتحدث ثلاث نباتها ثم يأمر السنة الثانية هذا زماني كما نبي بحث ثلثي مطرها ويأمر الأرض بتحديث ثلثي نباتها ثم يأمر الله تعالى السماء في السنة الثالثة فتحدث مطرها كلها إن تبغى ثلاث فيمني ثلاث تقصر كل طرح يغطين تنبت في تبغى ويأمر الأرض فتحدث نباتها كلها فلا تنبت خضرة أي يعني أكل زجتها فلا تنبت خضرة il n'y aura plus de fruits, plus de légumes, tout ce qu'on a mangé. Il n'y a ma sha'Allah. Fakila, sama ya'ishu nasu fi dhalika zaman, comme on vous a dit, ça a toujours posé des questions. Il pose toujours des questions. Comment vivront les gens à cette époque-là, s'il n'y aura plus rien à manger? Qala ya mir rasul sallam, at-tahlil wa at-takbir wa at-tasbih wa at-tahlil. Wa yujri dhalika alayhim majra at-ta'am. أذهب الله عنه الجوع فلم يخش جوعا على قصة فقط مولا لجوك اللي يغاف في طقلة من أهل الإيمان فقط له نغيشه فقط لا إله إلا الله سبحان الله الله أكبر الحمد لله فقط الذكر قد يغاف في ذكر الله لا تفاي فقط الزوء فقط الله سبحانه إذا لا غنزل أفا الله كيف يغاف إذا لا غنزل أفا إذا كنت أعطيت التغمان الله هنا يخرج بالجوع كما قلنا ثم ذاك نبي يمر بآخرين فيدعوهم إلى الإيمان بأنه ربهم فيكفرون به على غير ذلك هذا غلط قد إذا تصدق بهم الصفاح عندهم الإيمان بالله الإنصار الفتاة بالنسبة للجال لتفاق في ذا تصفيح لذلك ذا تصفيح تزالا كريزا زيار في مقر كافرة هذا خاف ريال من ذا الجال فيكفرون به وبدعوته إذا مكرعوا لي أنت دعوة يردون دعوته بما يرون من العجز الحسي والنقص الحسي في خلقته فقط سيذيقه أن كتابه هو الله سبحانه وتعالى الله يدفع أن كتابه الله سبحانه على كل شيء قدير أنفس دساء للطفة عليه الصلاة والسلام الذي المسيح بدل أعوار وإن ربكم ليس بأعوار يبطل يعني فضعني الله سبحانه وتعالى إن ربكم ليس بأعور وإن المسيح بدل أعور إن المسيح بدل في الأرض يأخذ الطعام ويمشي في الأسواق وربنا الرحمن على العرش استوى لا يأخذ ولا يشرب كما ليه المسيح الدجال يملا يمور يبلع يباع يسلغي ينقش ضمي نقشي كيف تتخفاها ثلاثية ألوك الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى لا يأكل ولا يشرب إلا المسيح الدجال يرى بين الناس لجل ذغوب لجل ذغوب الدنيا تكفي بغاسة التقلع وربنا لا يرى في الدنيا إلا الخسنية الله سبحانه وتعالى عنه تقلع في الدنيا أنزغك في الآخرة حتى أن أتحنى كلمه موسى عليه السلام عندما سأله أن يرى موسى عليه السلام من هذا الموضي بنبوة كيف تنجى الله سبحانه وتعالى قال لن تراني سنة غطاء سنة غطاء في الدنيا بدل سنة غطاء ولما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم كلمه ربه من وراء حجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما نتفتت عليه الصلاة والسلام قتل الناس الذي بلا صوصوه إلا تبسوا السنوات كلمه من وراء حجاب في تدريع حجاب لا تبسوا ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعرج تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثلاث من حدث بهن فقد كذب إذا تقصر خسير جيب وغاكوت تجمع صوت من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه ليلة المعرج فقد كذب من يتجي أن تكذب بك لفقد محمد صلى الله عليه وسلم رجوع بلا صوت ومن حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كذب celui qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il connaît le futur, l'invisible, tout ce qui s'ensuit, c'est du mensonge, il a menti. وَمِنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أُمِرَ بِهِ فَقَدْ كَذِبَ Le hadith rawahu muslim. Celui qui dit, il se prétend que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a caché des choses de religion, de la religion, et qu'il ne les a pas dévoilées, c'est qu'il a menti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait maintenant kulla shay. حَتَّى كَيْفَ نَبْعَلْتُ الْمَحَاسِ Il a tout appris, même quand on rentre au collège, comment on doit faire. Comment on doit se laver? Avec quoi on doit se laver? Est-ce qu'on a le droit de se mettre en direction vers les ou pas? Il nous a tout enseigné le prophète. Voilà qu'il y a au jour du Qiyama, il y aura Ahl al-Jannah, Rabbahum subhanahu wa ta'ala, du dalil de qawlihi, ou du jour du Yawma idin nadira, ila Rabbiha nadira. Mais ce jour-là, le jour du Qiyama là, les croyants verront leur Seigneur, Allah nous en a les hommes. دونك قلنا يمر الدجال على قوم فيدعوهم الى الايمان به ويستجيبون له ويمر على اخرين فيدعوهم فيدفعون به ويردون دعوته حتى اذا فارقهم اصبحوا وقد فقدوا كل خير كان بين ايديهم جفت المياه وهلك الحرث والنسل على كيف يكفر بدعوته كيف يكفر بدعوته كيف يكفر بدعوته كيف يكفر بدعوته كيف يكفر tout va être asséché, il n'y aura plus rien à manger, et elle a toute végétation, toute agriculture. Hatta nassel, les femmes et les hommes deviendront stériles, ils ne pourront plus avoir d'enfants. C'est très très grave. C'est très très grave, les amis de famille. Maintenant, on va dire, il y a un harb, il y a un dirra, il y a un harb, il y a un harb, il y a un harb, il y a un harb, il y a un harb, il y a un harb, ça va en quelque sorte, ça va en quelque sorte, ça va en quelque sorte. يعقوب للمبيعات في الديفيسيل هذه غير المبيعات دعوة الحرب فماذا فكرة المسيح بجد فكرة وذكرة للنطق دي لغير وكسا وكي زي جمالة مانجي كي زفاق كوري دي كوا مانجي إذا أنا بيجي فرمينو يساب كي جدينا يساب كي تتيريب لا فامينة تنشو كي تتيري على فامينة تتخيل تخيل تخيل تخيل والحمد لله والجعبين الخير موجود الخير دي بازع فاقه الخير دي فاقه الخير Attends, tu vas au passé, tu vas au marché, tu vas au champ, tu achètes, tu remarques ta mère dans le cas de ta terre. Alhamdulillah, très bon. Mais à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, tu crois qu'ils mangeaient comme on mangeait? Et quand ils avaient une galette, cette galette-là, ils la coupaient jadis et elle durait toute la journée. Ah oui, mon frère. Tu m'as dit que tu m'as dit de gel, de rajoulin. إذا حييت لك ولذلك أتؤمن به كما وجدت طبعا الدجال يبغى يتحكم في الحل الحضاري يقول كما تلو جنغسوا بيك مطارا تبغى فاغ أموان كشتبات مصنية أجل جوي إذا هو إذا كان هذا الخبيث بالشياطين أسلكت بالشياطين أسلكت بالصراخ إذا يبدأ بالشياطين الزهرين في تنسيح ثاني في تنسيح الزهرين في تنسيح في تنسيح الزهرين Après cette fille-là, donc une fois qu'il aura rassemblé pas mal de gens, il y en a qui vont croire en lui, beaucoup vont croire en lui malheureusement, et très peu vont le croire en lui. Tout le monde est à votre jour de Dieu, chakra al-Madina. Ça y est, il y a un peu de choses qui sont en train de se faire. Il y a un peu de choses qui sont en train de se faire. Il y a un peu de choses qui sont en train de se faire. Il y a un peu de choses qui sont La mosquée du Prophète Ali Salatou Salam, lui, il est ici là-bas, et dit, vous voyez ce palais là qui est là-bas, en direction de la mosquée, il y a même le dit de Mohammed Salatou Salam. C'est-à-dire la mosquée du Prophète Mohammed Salatou Salam. C'est la couche, le dit de Mohammed Salatou Salam. Il y a ce palais. Tu vois la parole, comment tu peux des fois dire des paroles qui viennent? J'ai dit, mon frère. Il dit, ah, ça, la mosquée, c'est pas d'importance. Mais si c'est important, pourquoi tu ne restes pas? سيخرج إليه رجل من أهل المدينة وهو أفضل الناس يومئذ ألا أسمى الله إذا أحد يتخذ عن تقوى رواه مسلم كذلك عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بالدار فيتوجه قبل رجل سيخرج فيتوجه إليه رجل من المؤمنين فقم لك فيه فتمسها الشاب Il est au courant, il sait que le prophète Ali Salatou Salam il a mis en garde, il a dit attention si vous voyez le Dajjal qui sort du côté nord, vers le côté sud. S'il sort côté sud, vers le côté nord. S'il va à l'ouest, vous allez à l'est. Faites le poser de ce qu'il fait. Il le sait. Mais à ce moment-là, Shawah al-Hadith, il dit que Allah Ta'ala il rémeru. Shawah al-Hadith, il rémeru. Il va lui mettre dans son cœur que c'est lui la personne qui devra aller affronter le Sheikh al-Dajjal. C'est pas n'importe qui. Ça, c'est un honneur. En sortant, ستلقاه المسالح المسالح أي مسالح الدجال لغمي بمسيح الدجال إذا يبيعه فيقول له أين تعمد أين تذهب كيف يبقى أعمدوا إلى هذا الذي خرج جزيز واقف لي في التخصيل عطره بمسيح الدجال قال فيقول له أرى ما يتبنين بربنا نبقى كتاب التسميع فيقول ما بربنا خفاء بيجي كنا مسميع بس ليس كيمو سميع لقد جنجل كنا جيت كيمو سميع أنا أعرفه فيقولون اقتلوه يعني يقول تشيلوا تشيلوا فيقول بعضهم لبعض لأقوم بسبب أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه ذكرتم أن أخذيكم فريقات فلسات فاكت في المسلمة هذا ما فيه دجال هذا ما فيه دجال في بعض يجيك تقتل ما تلغب فيه قال فينطلقون دين الدجال أنا أقول القاضي يقول أن لا فيه دجال فإذا رآه المؤمن رأس المؤمن في جنات المؤمن قصد له إذا الوقت استفاد في ذلك يا أيها الناس هذا الدجال بدخيل قصد بدأ المؤمن بدأ يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال كل الصفات عليه الصلاة والسلام أبو سوني قال فيأمر الدجال فيأمره فيشبح شبح يشبح أي يمده على بطنه فيشد النطق سو لفوت le mettre renversé sur ses vols comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'on trouve un chudjur. Chudjur, c'est le côté. C'est l'histoire d'abord des traces. Et il va faire un barreau ou un barreau barbane. Alors, ça va faire un mètre en lundi. Là, il n'a pas encore tué, mais il l'a tracé, il y a du sang partout qui coule. Tu crois pas moi ? Alors, ça va faire un tel messieh al-kadda, toi, c'est le messieh al-kadda, tu veux m'en faire. Alors, ça va faire un mètre, il va faire un charade de l'inchard. C'est pour ça que je vous ai dit que ça c'est pas n'importe quel martyr, c'est un chéri. C'est un chéri, mais pas n'importe quel. Il se fera couper un coup avec la fille. En deux, de l'un du scandale. C'est pas facile de mourir un chéri. De mourir un chéri au combat, une jihad, c'est pas facile. Moi, j'ai quand même une jihad, donc on a dit, ah ben, c'est pas une jihad, c'est pas une jihad, d'ailleurs. Une jihad, là, on se rend. لا شروط لما عزت غير هنا هنا مثلا في الملكة حكمة تقول القصر بذات تنشير وانت تعشى خايفة لها لكن القصر بذات تنشير في الدين بدأت تنشير يعني في مسخات وكيف تخلص في مطاقة وجه فهنا تخلص شيئا لتقوى انت هجاهد فقط فيه فهذا ما تنمو بالجهاد والجهاد بوقته لا إله إلا الله. طيب ليس تتحكوا في عنده فيؤمر به فيؤشر بمشار من الفقه حتى يفرق بين رجليه قال ثم يمشي الدجال بغل في عدسة المحشرة أخل فبنسى بحث الدجال كفاكي لديامات بين القطعتين ثم يقول له قل بسنا فقال هو بديد الدجال في الغطية لا تتحكوا في حديث الإسلام إذا كانت في الغطية فيلم لا. Merci.